voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour vivre pas à pas le changement. Georges et Nolwenn ont fait ce pas, ils vivent simplement avec leurs deux enfants dans moins de 20 mètres carrés, mais qui donnent sur un immense terrain qu'ils entretiennent. Pour l'émission La Voix du Kaizen, ils reviennent sur l'itinéraire qui les ont amenés à s'installer en Ardèche pour développer la culture des plantes médicinales. Tout de suite, plantons le décor avec Georges qui crée la dimension visuelle de leur lieu de vie. Eh ben ouais, on va essayer de partir d'un plan large, c'est bien de voir l'environnement au sens large. Bon voilà, on est en Ardèche, donc il y a une vallée, nous on est près d'une vallée, la vallée de l'Arieux qui est en contrebas, qu'on peut voir que ça se découpe là. Aux alentours il y a des montagnes avec un relief assez accidenté, donc plutôt très boisé, très peu peuplé. On voit des petits hameaux, des petites maisons par-ci par-là. Vers chez nous il y en a beaucoup moins, on a des forêts de châtaigniers qui sont en prédominance. Donc voilà, assez sauvage, diversifié aussi parce qu'on a des endroits ouverts où il y a des pâtures, des endroits fermés où il y a des forêts. Et nous, on cultive dans la plus grosse partie dans un vallon, donc semi-sphérique. Donc c'est bien parce que ça présente plusieurs expositions, du côté nord jusqu'au côté sud. On cultive ça fait un peu patchwork. On a plein d'espèces différentes, donc ça fait plein de couleurs. C'est en terrasse, accès accidenté, donc ça rapporte aussi des microclimats. On a un côté sud, ici là où on est assis, qui est assez chaud, avec de la roche assez proche. Donc du coup, on va y planter plutôt des plantes qui sont adaptées à ce terrain-là, comme des thyms, des lavandes, de l'origan. On a des terres plus profondes qui sont au fond du vallon, où il y a un cours d'eau. Ici, c'est des plantes qui demandent une terre nourricière, comme la rhubarbe, l'angélique. On est à Avertou, sur les plateaux de l'Ardèche. Donc je vais m'intéresser à votre expérience de vie, à savoir un petit peu d'où vous venez tous les deux et comment vous êtes arrivés ici. Alors, d'où on vient ? Moi, je suis d'origine alsacienne, Georges est niçois, et on a fait le tour de la France, un peu quelques coins sur la planète. On a fait une halte dans la Marne, notre dernière halte avant d'arriver en Ardèche, qui nous a ouvert les yeux sur ce qu'on voulait pas. Ce qu'on voulait pas, c'était un environnement dans lequel on se sentait pas bien. Une nature morte, ouais. Plus de nature, ouais. C'était... Qu'est-ce que tu as trouvé dans la Marne ? La Marne, c'est le berceau de l'agriculture industrielle. Du coup, des parcelles de minimum 100 hectares d'un seul tenant, nourries à l'engrais chimique, une seule plante, la monoculture à fond, très mécanisée. Enfin, tu n'as plus d'agriculteurs. D'ailleurs, ils ne touchent plus la terre, les agriculteurs. On parle d'exploitant agricole. Ouais, d'exploitation, ça a bien son mot. Exploiter au maximum la nature. Non, à l'époque, c'était une première expérience professionnelle pour ma part. Et professionnellement, il y avait des choses très intéressantes. C'était un bureau d'études en environnement, en développement durable, qui avait de belles idées, qui faisait des choses concrètes très intéressantes. Je m'y suis plu un petit moment, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça que je voulais faire de ma vie. Je voulais pas rester dans un bureau et écrire des belles choses sur des papiers. Et c'est à ce moment-là que tout doucement a commencé à germer l'idée d'être indépendant ? Oui. Et là, on voulait construire quelque chose. Voilà. Il y avait déjà le projet de s'installer ici en Ardèche, d'acheter de la terre, de développer une activité autour de la plante médicinale. Oui. En Ardèche, non. Pas. Le lieu n'était pas défini. L'envie de travailler la terre était là, bien présent. Et peu à peu, ça s'est naturellement orienté vers les plantes médicinales. De par nos passés et nos envies à moi et à Georges qui a suivi. Quand on a débarqué la première fois chez Ariès, on a amené nos produits, nos fleurs. Et c'était marrant de voir ça, de dire qu'il sortait son souci. Et il est là, il disait Regarde, c'est orange, c'est beau. Et là, tout le monde s'arrêtait. Il fait Appelle-les au magasin, appelle-les au labo, qu'ils descendent, qu'ils regardent, c'est ça qu'il faut cueillir. Et ça fait bizarre parce que toi, tu cueilles normalement, tu fais ton truc instinctivement. Et tu dis, mais il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Et il dit, non, là, c'est voilà, c'est le produit, tu as pris le temps, tu as ramassé quand il fallait, tu as fait attention à tout ça. Et tu disais, la plante, elle a tout à t'apprendre, elle te dit tout en fait. Elle est là, elle te parle quelque part, enfin, elle te dit quand elle est prête, elle te dit à quoi elle sert, elle te Bah, dit. et la plante et l'environnement, par exemple, les fleurs, comment on les cueille, souvent on fait attention aux abeilles. Quand l'abeille vient à la plante, on se dit que bah là, la plante, elle a quelque chose à donner, quoi. Donc on fait des fleurs séparées, ou on fait que de la fleur, on ne fait pas de la plante. Donc par exemple, tu vas tôt le matin, tu as le bouillon blanc, à 6 h du matin, il s'épanouit, il s'ouvre, c'est le premier. Et les abeilles, elles sont à fond dessus. Tu vas à 10 h, les abeilles, déjà, il n'y en a plus. Pourtant, la fleur est là encore. Et elle dure jusqu'à midi, 1 h, quoi. Mais c'est le matin où il y a des abeilles. Et à côté, il y a d'autres fleurs ouvertes, il y a du bleuet, il y a du souci, il y a d'autres choses. Et les abeilles, elles n'y sont pas encore. Elles vont venir plus tard, quoi. Alors, du coup, ça nous aide pas mal à nous diriger dans nos cueillettes, dans nos récoltes. Tu produis combien de plantes ici? T'as choisi d'un. Comment est-ce que tu choisis déjà les espèces que tu vas produire sur le terrain? Bon, on a commencé avec les espèces locales. On a observé le terrain, on a regardé qu'est-ce qui poussait localement en plantes médicinales. Voilà, si on se balade dans la nature, il y en a plein. Ben voilà, nous on a multiplié ce qu'il y avait présent, quoi. La première année, c'était ça. Et après, ben, si tu veux faire des tisanes, des produits transformés, ben, tu multiplies ton panel, quoi. Par rapport à ce qui est adapté chez toi, tu vas pas amener un truc complètement aberrant, quoi. En termes de quantité, est-ce que tu peux me dire combien tu produis de kilos par an, toute espèce, toute plante confondue, au niveau de ce que tu cueilles et de ce que tu. De cueillette sauvage ou cueillette cultivée? Ouh, c'est difficile. vu qu'on travaille encore avec une coopérative, on a quand même du gros volume. Donc, parce qu'on cueille de la plante à la base, souvent. Voire même des fois des plantes entières avec la racine, parce que c'est demandé pour des laboratoires comme Boiron. Ça varie, je sais pas, en frais ou en sec, ça change beaucoup de choses. Mais en sec, je dirais autour d'une tonne. Une tonne sec. Voilà. Et vous êtes à combien à bosser sur l'exploitation là? À deux. Avec deux enfants en bas âge. Du coup, ça fait plus qu'un et demi. Après, on a deux amis qui passent. On est aussi hôte pour le ouf. Donc voilà. Donc il y a du monde qui tourne sur la ferme quand même. Le bouffe, c'est quoi? Tu peux m'expliquer simplement? C'est offrir la possibilité à des gens de découvrir un métier, quoi. Donc nous, on considère ça, voilà, on vient loger et nourrir des personnes. Et on est là pour accueillir, que les gens ils puissent partager une expérience. Donc voilà, nous, ils partagent l'expérience qu'on a sur nos plantes, sur notre mode de vie. On voit ça comme ça. Donc le woofing, c'est un super moyen de se former. Si maintenant je suis jeune, que j'ai cette envie de transition, de changer de mode de vie, le woofing peut être un moyen de rencontrer des gens qui ont déjà fait le pas et en plus de découvrir des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances. Ouais, voilà, jeune et pas jeune. On a des gens qui ont 45 ans, 50 ans, ça peut arriver. Oui, c'est bah, les gens qui viennent, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens qui sortent, soit qui ont arrêté, qui ont dit, bah voilà, moi je vis dans un système, enfin je m'y retrouve pas. Il y en a qui ont claqué la porte et qui viennent faire du woofing de partout et qui viennent découvrir autre chose. Voilà, quelque chose qu'ils n'ont jamais abordé ou qu'ils ont juste lu sur Internet ou sur un magazine, ils se sont dit, ah ouais, pourquoi pas. Il y en a qui viennent juste phase découverte, genre tiens, pourquoi pas, je vais voir, et qui tombent un peu des nues, qui sont dans un modèle, qui font ah ouais, non, on peut vivre comme ça, simplement, avec une relation sociale, voilà, avec des gens et tout. Il y en a qui disent, mais c'est plein d'amour, enfin, c'est marrant, quoi. Et il y a d'autres gens qui sont dans une phase de projet, donc voilà, qui se sont dit, tiens, les plantes, ça me parle, ou tiens, l'agriculture, le travail de la terre, ça me parle, ou voilà, nous, on rénove une bâtisse aussi, tiens, j'ai envie de travailler avec des matériaux plutôt nobles. Et qui viennent, voilà, expérimenter, apprendre quelque chose, et puis échanger aussi sur le savoir-faire, mais aussi sur la vie, quoi, en général, donc c'est marrant. Donc c'est enrichissant pour eux et pour nous aussi, quoi, inversement, parce que voilà, au bout d'un certain temps qui reste, ben voilà, t'es avec une personne pendant 3 semaines, on demande 3 semaines justement pour ça, pour qu'il y ait un lien qui se crée, un échange qui se fait entre les deux aussi, et que c'est pas que nous qui apportons quelque chose, mais qu'eux aussi ils donnent, et du coup, ben, c'est riche. Voilà. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Donc là, on a plus ou moins cadré le projet, donc s'installer, développer une activité autour des plantes. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on passe à l'acte? Parce qu'entre l'idée qu'on a sur un papier ou dans sa tête, dans une discussion autour d'une table, et vivre la réalité, ce que je vois aujourd'hui autour de moi, bah, y a un monde. Il y a un déclic qui a fait qu'on a, enfin déclic, on a décidé de, voilà, de quitter la région de la Champagne-Ardenne en ciblant la région Rhône-Alpes qui nous paraissait assez dynamique et en termes d'environnement, on pensait trouver quelque chose qui nous correspondait mieux, quelque chose de plus préservé, de plus montagneux aussi, parce qu'on aime la montagne. Et moi, j'étais enceinte, donc on a atterri un peu par hasard en Ardèche. Et du coup, voilà, bah, j'ai vécu ma grossesse tranquillement et en même temps, le bébé de la ferme est né, quoi. En même temps que le bébé de notre première fille est né, on s'est vite plu ici, on s'est vite dit c'est un endroit qui nous plaît, la dynamique nous plaisait, on s'est fait beaucoup de relations, on s'est senti chez nous rapidement et on a dit on va pas traîner plus longtemps, on est prêt, le lieu nous accueille, on y va. Donc on a rencontré les acteurs du territoire, les voisins, les autres agriculteurs, les acteurs liés à l'agriculture. Puis le bouche à oreille nous a fait tomber sur cette ferme. Pourquoi est-ce que pour vous c'est cohérent de vivre comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes sûr de votre choix? On s'épanouit. Voilà, moi je pense qu'on vit... Enfin pour moi, pour ma part, je suis épanoui de ce que je fais, donc ça me parle. Voilà, je suis heureux du coup. C'est un bonheur de se lever tous les matins. Moi, je me pose même pas la question de savoir si c'est ce que je veux faire, quoi. Ça coule de source. Georges, tu es quoi? Tu fais quoi? Je suis paysan. Enfin, je me considère comme paysan. Après, j'aime bien aussi un mot, c'est que agriculteur, donc t'as le mot culture. Avant, je pense que les paysans, ils avaient... Enfin, on dit souvent qu'une nation ou qu'une société est morte si elle n'a plus de culture. Donc, elle est riche, c'est une culture vivante encore. Et je pense que avant, l'âme même des territoires et des groupes de personnes, c'était l'agriculture, c'était le truc essentiel. Et on retrouve ce mot culture parce que c'était faire vivre le lieu, faire vivre entièrement. Et c'est là où je pense que le mot culture a tout son sens, quoi. Voilà, rendre vivant un lieu, rendre vivant un endroit humain. Voilà, plus que la culture comme ça a dérivé aujourd'hui, où on fait des trucs artistiques et tout, qui est très bien aussi, on nourrit l'âme et d'autres choses. Mais je trouve que l'essence même, là, elle y est vraiment. Donc agriculteur, si tu veux mettre dans une case, peut-être paysan. Et former le paysage, paysan, c'est pas mal, parce que c'est vrai que du coup, quand on se balade dans des lieux, on dit « waouh, c'est magnifique » et tout. Et souvent, c'est parce qu'il y a les paysans qui sont là, qui vont faire des alpages, qui vont ouvrir des endroits, des territoires. Sinon, ce serait que la forêt partout. Et voilà, c'est grâce aux paysans qui forment le paysage qu'on peut dire que il y a toute cette diversité à travers le monde. Ce que je trouve intéressant, c'est l'un comme l'autre. Donc toi, Nolwenn, tu as étudié, je crois que tu es allé jusqu'au master. Georges, tu as fait une licence. Et en fait, votre domaine d'études, ce que vous faites aujourd'hui, n'a rien à voir. Presque rien à voir. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en paysage. J'ai pas envie de valoriser mon diplôme et de vivre tout le temps avec une étiquette d'ingénieur. Ça m'est complètement égal, quoi. Pour ma part, j'ai fait des études beaucoup dans l'écologie. Je pense qu'il y a un lien, même s'il est lointain, quoi. Puisque on développe, malgré notre activité où on va cultiver la terre, on essaie d'enrichir notre milieu, même s'il est déjà riche. Et puis il y a toujours un lien avec la nature. Ça, j'ai toujours aimé, quoi. Et ça y est encore aujourd'hui. Tu me disais avant, 17 hectares de terrain, 1 hectare cultivé, et vous habitez dans 15 mètres carrés. C'est ça, c'est vivre dehors. Hein. La maison, elle est dehors. Oui, c'est un choix. On pourrait avoir plus, on aura peut-être un jour plus. On agrandit un petit peu la maison parce que la ferme est grande. C'est une promiscuité sans en être une parce que dehors c'est aussi notre maison. Donc quand on a besoin de s'isoler, les enfants c'est pareil. Quand ils ont besoin d'un moment de calme et d'être avec eux-mêmes, ils vont dehors. Ils trouvent des endroits où se mettre pour être tranquille tout seul. Donc c'est pas une contrainte en soi. Ils s'y plaisent bien, nous aussi. On dort tous dans la même chambre, on est bien tous ensemble. On se rassure les uns les autres. Il y a pas de... C'est pratique aussi d'être dans une petite maison avec des enfants en bas âge qui de toute façon sont souvent avec nous. Pendant qu'ils prennent leur bain, moi je prépare le repas, Georges est à côté en train de faire quelque chose. On est à 2 mètres les uns des autres et... Le sujet, c'est la simplicité volontaire, sobriété heureuse ou décroissance. Dans quel est le terme qui vous parle le plus? Et quel est le lien que vous pouvez retrouver avec votre mode de vie? Si, c'est des mots qu'on entend couramment, qu'on entend de temps en temps. J'aime pas les étiquettes et les mots tout faits, je sais pas s'il y en a un qui me plaît plus que l'autre. Une vie, nous, notre ferme s'appelle Simple en vie, donc elle veut dire plein de choses, entre autres une vie simple, C'est ce qu'on cherche à faire, à vivre au quotidien, simplement. Être ce qu'on est et avec ce qui nous entoure, humainement et dans l'environnement, et sans se prendre la tête. Ouais, donc c'est ça qui est intéressant aussi, parce que là on est à la Vertou, c'est comme un lieu un peu isolé dans les montagnes ardéchoises, mais on n'est pas coupé du monde, c'est le monde qui vient à toi là. Ouais, voilà, mais quand on s'est installé, c'était un peu l'idée, c'était que voilà, on a beaucoup voyagé avant, et on allait beaucoup dans le milieu rural, et il y avait toujours, on était accueillis, toujours, enfin on tombait toujours dans des endroits merveilleux, les gens t'ouvraient la porte, accueillaient, et à un moment, ben voilà, on voulait cultiver la terre, et la question c'était, est-ce qu'on voyage ou on continue, parce que c'est bien, voilà, parce que c'est chouette, on est accueilli partout, on apprend plein de choses. Ou pourquoi pas, on ferait un peu ce lieu aussi, qui serait l'inverse, quoi. Les gens, voilà, ils voyageraient, ils viendraient chez nous, quoi, aller dans un lieu où ils seraient trop fous aussi, ils seraient trop contents. Donc, à Vertou, donc voilà, c'est un peu isolé, mais du coup, les gens, ils viennent parce qu'ils entendent parler de nous. Je viens dans la vallée, c'est vrai qu'on voilà, on commence à être connus, même si ça fait que la quatrième année où on cultive. Et puis les gens viennent, et puis c'est pas si isolé que ça non plus, parce que les villages sont dynamiques ici, il y a quand même pas mal de choses qui se font, il y a une école, elle est à 10 minutes ici, si on veut aller faire tout ce qu'on veut comme achat, il y a le Chélard, et puis point de vue culturel, il y a plein de personnes qui se mobilisent, c'est des petites associations, tu fais venir des groupes, ou il y a des expos, des machins, enfin ça c'est vivant quand même, c'est isolé sans être isolé quoi. Tu dis que vous êtes à deux sur la ferme avec deux enfants, donc quatre dans la famille, plus des woofers qui passent. 4 ans maintenant, ça fait 4 ans que vous êtes installé ici. Est-ce qu'au bout de 4 ans, on arrive à développer un modèle économique qui permet de vivre la vie qu'on choisit? Oui, voilà, ça dépend après de ses besoins. C'est surtout là, c'est surtout s'il y a ses besoins et qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre, quoi. Nous, au bout de la troisième année, donc l'année dernière, on est arrivé à l'équilibre, donc à rembourser. Voilà, on a décidé d'acheter, donc c'est quand même des frais, quoi, des sous à rembourser, donc une maison, plus des terrains, plus quand même une installation qui demande un petit peu, mais c'est pas grand-chose, on travaille tout en manuel. Et au bout de 3 ans, on est arrivé à sortir un salaire, on travaille à deux dessus. Et puis depuis cette année, on va dégager un petit plus, pour soi, se faire plaisir, enfin pour investir dans du matériel ou pour rénover la maison, c'est déjà pas mal. Parce qu'on vit dans 15 mètres carrés à 4. Voilà. Tu dis tout dépend des besoins qu'on a. De quoi est-ce qu'on a besoin? Ça dépend de chacun. Du coup, ça dépend de chacun, c'est vraiment personnel. Du coup, tu peux vivre avec juste sous une tente et un tipi, jusqu'à vivre dans un truc ultra moderne. Voilà, après, ça dépend de toi. Qu'est-ce qui fait que tu vis bien, quoi? Quel est ton épanouissement avec les besoins matériels que tu as? Qu'il faut, quoi. Et toi, est-ce que tu vis bien? Moi, j'aime bien, je suis heureux. Le matin, quand je vais, je siffle. non, c'est... c'est une vie que j'ai choisie, du coup, il n'y a pas de contraintes, quoi. Enfin, quand les gens, ils passent, ils font « Ouais, tu passes 10 heures dans ton champ. » Ouais, c'est génial. Je pourrais passer 12 heures, je serais encore mieux. Mais ça dépend vraiment... Voilà, il faut... Enfin, nous, moi, tout le boulot que j'ai fait, c'était... Le jour où je lève le matin et je suis pas heureux, enfin j'ai une pression, ça m'embête. Il faut que j'arrête, quoi. C'est-à-dire que le boulot, ça m'apporte plus grand-chose, ou l'environnement dans lequel j'évolue, il évolue pas bien. Enfin, ça me correspond plus. Du coup, voilà, aller voir ailleurs ou essayer de faire évoluer la chose. Mais si ça évolue pas, voilà. Et là, c'est l'idéal, quoi. Enfin, là, on a décidé, on a construit. En plus, on construit quelque chose aussi. On fait revivre un pays déjà, c'est des terres qui ont été cultivées à une époque, qui ont été, voilà, et nous c'est des terrasses, les gens ils ont monté quand même des gros murs en pierre, ils ont ramené de la terre, ils ont fait quelque chose, et faire revivre un lieu comme ça, c'est magique déjà. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Mais vivre simplement, si tu devais me donner une définition de Wen, c'est quoi vivre simplement? Je sais pas, être en accord avec soi-même et pas chercher du superflu, être juste proche des valeurs profondes et des besoins primaires, on va dire. Dormir, bien manger, être bien dans son corps et dans sa tête. Du coup, il faut faire des activités et vivre des choses qui vont permettre ça, de se nourrir humainement et de se nourrir, nourrir son corps sans chercher... Moi, j'aime pas, ce que je disais tout à l'heure, me prendre la tête. Il faut que ce soit simple partout pour pourquoi chercher des noises, pourquoi chercher des querelles, pourquoi... Donc vous avez développé une activité autour des plantes qui sont revendues soit dans des coopératives, soit en vente directe. Des châtaignes aussi, de la crème de marron, enfin différentes choses qu'on a vues avant avec Georges, on a fait un petit peu le tour. J'ai envie de m'intéresser au modèle économique. Combien est-ce que vous gagnez à travers cette activité? Combien vous dépensez? Est-ce que tu arrives à me dire par rapport aux dépenses, la voiture coûte tant, l'alimentation coûte tant, l'assurance coûte tant? Un petit peu phaser tout ça. Eh ben, quelle est la plus grande dépense dans le budget? La plus grande dépense dans le budget, c'est le remboursement de la ferme. Parce qu'on a acheté quand même la terre et la ferme. Donc c'était un choix d'acheter, d'être propriétaire et d'être libre sur nos terres de faire ce qu'on avait envie. Donc on a fait le choix d'acheter et donc on rembourse, je pense que c'est la plus grosse charge qu'on ait. C'est à peu près 10 000 euros par an, ouais. Et on a un peu plus. L'année dernière, on était à peu près à un SMIC mensuel tiré de la ferme, ouais, à deux. Et donc ce SMIC, donc t'as l'alimentation, t'as peut-être l'école des enfants, juste essayer de me parler des dépenses, quoi. L'alimentation, eh ben, on a notre potager, on essaye de, au magasin de producteurs, on fait des échanges avec nos produits et avec les autres producteurs. On fait pas mal de choses nous-mêmes, on cuisine beaucoup. On a un groupement d'achat aussi pour acheter tout ce qui est céréales. Après, l'autre grosse charge, on va dire, c'est la voiture. On a quand même deux véhicules qui, en Ardèche, c'est une des contraintes, c'est qu'on fait vite beaucoup de kilomètres. Enfin, beaucoup de kilomètres. On passe du temps dans la voiture, c'est pas forcément 10 kilomètres, mais les routes sont étroites et on prend un peu de temps quand même en voiture pour livrer la coopérative, pour aller à l'école. Qui est à 10 minutes, c'est pas énorme, mais c'est 10 minutes qu'on fait tous les jours avec notre voiture. Pour l'instant, l'équilibre se fait, ça nous suffit pour couvrir ses charges, quoi, pour rembourser la maison. Et... Il y a aussi, dans l'habitat, il y a beaucoup de choses que tu fais tout seul. Ça aussi, c'est quelque chose pour limiter ses dépenses. Oui, voilà. Après, du coup, vu que on n'a pas beaucoup de moyens, puis on a aussi l'envie de faire des choses, quoi. Enfin, moi, ça me plaît d'aller travailler du bois, d'aller travailler de la chaux. Du coup, oui, c'est vrai qu'on a peu de dépenses, même pour la construction. Voilà, on a des machines à bois, voilà, c'est un achat. Et puis après, le bois, c'est que du bois brut qu'on va travailler, qu'on va façonner. Là, je viens de finir mon parquet en châtaignier. Voilà, ça vaut une fortune à acheter en magasin. Ben là, ça me revient à pas grand-chose, quoi. Pareil, pour faire les murs, ben, on achète de la chaux, du sable, et puis on refaçonne les murs. Du coup, c'est vrai qu'on a un investissement faible pour vivre où on est, quoi. Si on devrait refaire une maison, il faudrait peut-être emprunter 100 000 euros si on devrait refaire la baraque. Et là, on va arriver peut-être à terme, j'ai une bêtise, peut-être à 30 000 euros. Quoi. En vivant ici et en choisissant une activité comme celle-là, on est très peu mécanisé. On a un petit tracteur pour faire le travail du sol et pour faire après du transport. Mais on fait beaucoup de travail manuel. En charge annuelle, on n'a pas grand-chose en fait. On essaye de faire nos graines. Le terreau, on ne le fait pas encore. Donc pour l'instant, on achète du terreau. Le fumier, à partir de l'année prochaine, on va le récupérer chez un copain. On va préparer notre compost ensemble chez lui. On a peu de charges. Voilà, pour la ferme, c'est les déplacements pour les livraisons qui doivent être la plus grosse charge annuelle, on va dire, en dehors de rembourser l'achat, quoi. Et en fait, non, voilà, on est bien intégré dans le milieu dans lequel on évolue, dans le milieu paysan, enfin social, autour. Et du coup, bah, c'est marrant, quoi, une grand-mère qu'on connaît pas forcément et qui arrive, qui toque à la porte, qui fait « Ah, bah, vous cultivez, moi j'ai plein de fumier de cheval, là, je sais que vous en faites, venez le chercher, je vais vous les rassembler pour vous, mais il n'y a plus qu'à monter, venir servir, donc voilà, on a fumier de cheval. » Et pour anecdote, on a la même chose, une voisine qui est en face, qui coupe son herbe et tout, on discute et tout, « Ah, vous avez des chèvres et tout, mais quoi on fait de votre foin ?» Je fais « Bon, j'ai pas trop le temps, des fois j'en achète parce que voilà, j'ai pas pris le temps encore d'en faire. » »« Pas de problème, là, bah, je vous ratisse tout, je vous fais un gros truc, bah, venez, quoi. » C'est pas génial, quoi. Du coup, voilà, j'avais du foin prêt, voilà, je suis allé le chercher, j'ai mis dans l'endroit où logent les chefs, quoi. Mais voilà, c'est génial. Et on a été bien accueillis ici, on est bien accueillis. À la naissance de Maëlie aussi, qui est née ici sur le terrain, quoi, du coup, à la maison. Et ben c'est impressionnant parce que juste après la naissance, on a un défilement de personnes qu'on connaissait même des fois même pas. Je disais, mais c'est magnifique, bravo, félicitations, vous avez un fils ici. Oula, ça me remonte en arrière quand j'ai pris les enfants. Enfin, c'était marrant, du coup, c'était grandiose, quoi. Plein de gens qui viennent, qui nous remerciaient, qui avaient le sourire, qui trouvaient ça magique, quoi. Et à la fois, ça leur rappelait, je pense, peut-être une vie passée, quoi. En tout cas, voilà, on est bien intégrés. Enfin, les gens, ils sont bien contents. Alors, c'est pas nos ruches, on a des ruches, là, on voit des ruches. C'est pas nos ruches, ça fait longtemps qu'on veut mettre des ruches, mais voilà, il faut trouver le temps aussi de s'en occuper, se former, voilà, passer du temps avec elles. Pour l'instant, on s'est pas mis un créneau pour ça. Et du coup, bah voilà, bah, il y a plein de gens qui font des ruches autour. Donc du coup, bah, c'est bête des fois aussi d'aller s'investir dans des choses que des gens font très bien. Du coup, bah, voilà, on a un ami rucher qui vient mettre ses ruches. Là, il n'en reste plus que 4, mais il en avait mis jusqu'à 30 pour le miel de châtaignier. Et puis je lui demande d'en laisser parce qu'on a voilà, des plantes médicinales, ça va très bien avec les abeilles. Voilà, c'est une symbiose qui va bien ensemble. Du coup, c'est génial. En fait, ouais, le lieu, on le construit petit à petit, on le diversifie de plus en plus pour qu'il soit de plus en plus riche, point de vue écosystème notamment. Donc voilà, on a la forêt, on a des prés, on a des lieux ouverts, des lieux secs, des lieux humides. On avait des eaux courantes et il nous manquait des eaux stagnantes. Et du coup, cette année, pour faire des buts voilà, à hauteur de travail, donc de 1,30 m quand même de haut, on s'est pas attaqué à la main parce qu'on s'est dit que ça allait prendre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Du coup, on a fait venir une mini-pelle et on en a profité pour faire un grand étang dans une zone humide qui est là depuis un moment. Et on s'est dit, bah voilà, là ça s'y prête. Et d'ailleurs, il a creusé, il y avait bien de la glaisse, on n'a rien mis, ça fait un étang naturel. Et voilà, on a un nouvel écosystème. Georges, là on est dans ta châtaigneraie, hein, donc on voit partout du châtaignier autour de nous, mmh. Avec des bocs par terre et tes pieds nus. C'est les fakirs. Ça stimule, ça fait des points d'acupuncture dessous. Ah, c'est donc ça. Oui, bah je les évite. Hein. Ouais, les châtaigniers, c'est un peu. Ça fait des super beaux arbres, des super forêts, et puis tu dis, ah, je m'allongerai bien au milieu sous un châtaignier. Et non, il y a des bugs. Là, on est devant la caravane du woofer, j'imagine, avec le toilette sèche, c'est ça? Voilà, ouais, c'est la caravane pour loger les gens qui woofer ou pas, hein, des amis qui passent aussi, puisqu'on a 15 mètres carrés pour vivre, du coup, bah, faut dormir un peu à l'extérieur ou s'entasser dans la maison. Du coup, on a une, bah, pour l'instant, c'est une caravane, le temps qu'on fasse autre chose, et des toilettes sèches. Ouais, bien sûr, toilettes sèches oblige. On a des toilettes sèches de partout, on n'a pas de toilettes avec de l'eau. Pourquoi consommer de l'eau quand on a des toilettes? C'est un peu bête. Et voilà, toilettes sèches, et d'ailleurs, c'est fait aussi avec une forme particulière. Le toit, c'est en zom. Voilà, il y a les dômes, il y a les hommes. C'est des losanges assemblés, voilà. Donc on peut venir se recharger en allant aux toilettes. Eh ben, il est dit que, ouais, normalement ça se décompose mieux, voilà, à expérimenter. Et ça se décompose, nous on laisse jusqu'à 3 ans. 2 ans, 3 ans, ça dépend, parce que ça dépend quand on finit de finir un lieu de compostage. Et après, on met pas ça directement aux légumes, on met ça aux arbres, voilà. Voilà, après c'est moi je le mettrais bien aux légumes, Nolwenn, ma compagne, ne veut pas, voilà, après, ça c'est des croyances aussi je pense. Il y en a qui disent que le cycle est trop court, donc je sais pas encore, je sais pas c'est qu'elle est là-dessus, pour l'instant ça va aux arbres. Okay. Sphérique, le bouillon blanc c'est une forme sphérique, tu devais reculer, donc tu avais la base, voilà, on voit que c'est des feuilles très grasses, comment dire ça, très végétatives quoi, elles sont grasses, c'est des grandes feuilles, ce machin, donc en bas ça, voilà, c'est très vert, très gras, puis ça monte, ça devient de plus en plus fin. Et ça fait des lampes jusqu'à 2,50 m, peut-être 3 m, je sais pas, de haut. Et tout le reste sur 1 m, plus d'un mètre, 1,50 m, c'est tout fleuri, c'est très jeune. Donc ça faisait un espèce d'un soleil, comme on aurait dit la Terre, donc demi-sphérique de loin. Ça faisait ça, tu sais. Et au loin, tous les lampes fleuries, tout jeunes. Enfin, c'était merveilleux, quoi. La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les 2 mois.